Vatican à Bruxelles. Chez Sexy Pop à Kinshasa, Matata, Souka. Chez Paris à Pointe-à-Pitre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Sunte, sunte, sunte. Sexy Pop. Zalaka mayele o, sepe silaka o, zalaka mayele o. Sous-titrage Société Radio-Canada.